Marchand d'armes, on ne connaît pas la crise. Marchand d'armes, les conflits qui s'enlisent. Tu réarmes, tu dédramatises, tu déculpabilises et tu criminalises. Oh, marchand d'armes, marchand d'armes. Depuis quelque temps déjà, la tension monte dans tous ces états. Les pays concernés ne sont plus marginalisés. La peur et la terreur se sont généralisées. À chacun son conflit, faut protéger sa vie, oh oui. Marchand d'armes, on ne connaît pas la crise. Marchand d'armes, les conflits qui s'enlisent. Tu réarmes, tu dédramatises, tu déculpabilises et tu criminalises. Oh, marchand d'armes, marchand d'armes. Certains états où l'arme est un droit, même le voisin sympa peut tirer sur toi. On va équiper les enfants, toute la famille, avec des calibres aux couleurs qui pétillent. À chacun son fusil, faut protéger sa vie, oh oui. Marchand d'armes, on ne connaît pas la crise. Marchand d'armes, les conflits qui s'enlisent. Tu réarmes, tu dédramatises, tu déculpabilises et tu criminalises. Oh, marchand d'armes, marchand d'armes. Le mal est partout, il faut l'effacer. On va les aider à l'éradiquer. C'est l'économie qui va te guider, pardi. Tu vends du made in France, t'as déjà pris parti. À chacun son ami, faut protéger sa vie, oh oui. Marchand d'armes, on ne connaît pas la crise. Marchand d'armes, les conflits qui s'enlisent. Tu réarmes, tu les dramatises, tu les culpabilises et tu criminalises. Oh, marchand d'armes, marchand d'armes. Crée des milliers d'emplois. Pour ça les gouvernements te saluent bien bas. Après tout tu te dis qu'on ne tue que les pauvres gens. Il faut faire de la place à ceux qui ont de l'argent. À chacun sa vie, il faut protéger sa folie, oh oui. Marchand d'armes, on ne connaît pas la crise. Marchand d'armes, les conflits qui s'enlisent. Tu réarmes, tu les dramatises, tu déculpabilises et tu criminalises. Oh, marchand d'armes, marchand d'armes. marchand d'armes. Tu te sécurises, marchand d'armes. Des conflits qui s'enlisent, quelques larmes. Et tu t'alcoolises pour oublier les cris de ceux qui agonisent. Oh, marchand d'armes. Marchand d'armes.